L'affaire, c'est de d'avoir une relation verticale avec l'astral. Si vous le voyez, l'astral, il va se mettre à... C'est comme quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup intégré, puis qui a son contact. Quand il va dans l'astral, les mémoires, les entités sont toutes impressionnées. Souvent, ça devient une grosse fête. Ils viennent tous vers lui. C'est sûr, il n'y a pas de lumière dans ce monde-là. Donc, vous venez comme une boule de disco, là. Le party s'organise autour de vous. C'est une fête pour les morts quand quelqu'un d'une certaine hauteur vibratoire va faire un tour par là, où les morts sont même, c'est juste des mémoires mécaniques, sont impressionnables. C'est pour ça, à un moment donné, on vient, vous pouvez commander à... Vous allez avoir des manifestations qui semblent être liées à des élémentaires, c'est-à-dire des mémoires de décédés dans des maisons, par exemple. Puis là, ils font des exorcismes avec des prêtres, puis ils font venir de différentes confessions, puis ça marche pas. Puis il arrive juste quelqu'un qui est dans son identité, qui est bien centré, il arrive, puis lui, il va mettre un terme à tout ça, juste en parlant. Ça arrive, il va commander à ces choses-là de s'en aller. Mais c'est vibratoire. Donc, couper un lien avec l'astral. L'affaire, c'est, on ne peut pas totalement couper un lien avec l'astral parce qu'on baigne dedans. Ça fait partie de la mémoire enregistrée dans la couche électromagnétique de la planète, puis des lieux, entre autres. Donc, comment vous voulez vous couper de ça? Vous pouvez vibrer plus haut. Dans le sens, vous allez créer autour de vous une espèce de bulle qui vibre plus haut, puis vous allez avoir avec ça un rapport où vous n'êtes pas dominé par l'astral. Mais vous allez rester en rapport avec, parce que quelqu'un qui coupe un lien avec l'astral, il n'y a plus d'affaires sur la planète. Par contre, si vous vibrez plus haut que l'astral, il va y avoir un lien, mais ce n'est plus un lien où vous êtes influencé et dominé par l'astral. Donc, là, vous participez aux forces évolutives. Vous sortez de l'involutif, puis vous participez aux forces évolutives. C'est-à-dire qu'au lieu d'être influencé à votre insu par des forces mortes, vous allez faire évoluer des forces qui étaient mortes en les vivifiant, puis en enregistrant du nouveau dedans au niveau du mémorial. Donc, quelqu'un de créatif, au lieu de capter de l'astral, il va capter du nouveau qui vient d'au-delà de l'astral, puis ça va s'enregistrer dans l'astral, devient évolutif, donc sur les forces involutives. Donc, le rapport avec l'astral est plus horizontal, il est vertical. Parce que à ce moment-là, ça devient un canal, là, il y a un contact avec l'esprit. Donc,